الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue l'explication en langue française du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Aujourd'hui on va terminer en fait les versets qui ont été choisis de Sourate Ali Imran, sachant que le Shir a choisi un dernier verset et ensuite il passera à Sourate An-Nisa. Donc le verset que le Shir a choisi est le suivant. Donc c'est le verset 187 de Sourate Ali Imran, la famille d'Imran. يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Sourate Ali Imran, le verset 187. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement: exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala blâmait et réprimandait une chose qui est détestable, une chose qui est considérée comme un crime, et c'est en fait dissimuler et cacher la science à des fins personnelles, à des fins purement matérielles. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on fait les gens du livre. C'est pour ça que le shir yaqul هذه الآية فيها توبيخ لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق ببيان ما جاءتهم به رسلهم من البينات والهدى. Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé les prophètes, les messagers, ils ont passé un accord avec les gens. Et cet accord-là, c'était de montrer aux gens et d'enseigner les gens ce que les prophètes leur ont enseigné. Et eux, ils ont fait en fait le contraire. Ils ont caché, comme cela est mis au clair dans ce verset, ils ont caché en fait la science. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a pris cet engagement, donc c'est un engagement de la part, un acte qu'il y a eu entre eux, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. C'est-à-dire le livre, bien sûr. Le livre qu'Allah Azza wa Jal leur a fait descendre, et dont il y a à l'intérieur de ce livre la vérité, et le huda, c'est-à-dire la bonne guidance. La tubayyinunnahu linnas. Donc ici, bitawkid. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Wala taktumunahu. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim wa ashtaru bihi thamanan qalila. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse à cet engagement? Ils l'ont trahi. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Allah al-musta'an. C'est-à-dire que tout simplement, ils l'ont caché, ils l'ont dissimulé, et à cela à des fins matérielles, afin de tirer une jouissance de cette vie d'ici-bas. Fabi samayashtaroun. Quel mauvais commerce ils ont fait. Enam. Ce qu'ils ont vendu contre la dunya, ils ont tout simplement vendu l'akhira contre la dunya. Donc c'est un commerce dont ils ne seront pas gagnants. Wallah al-musta'an. Et le shir insiste sur un point qui est essentiel. C'est lorsque Allah Azza wa Jal nous fait part de cette perversion qui est apparue chez les gens du livre. Ceux qui ont caché la vérité, ceux qui ont caché aux gens la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous parle de ces gens-là et il met en évidence ce qu'ils ont fait, leur perversion, c'est tout simplement qu'ils nous menacent. Ils menacent ceux qui pourraient faire la même chose que ces gens-là. Parmi les savants. C'est-à-dire faire exactement comme les gens du livre ont fait. C'est-à-dire dissimuler la science et la cacher. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est important à connaître dans ce domaine-là, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, bi isnadin hasan, dont l'isnad est acceptable, et dont même certains savants disent qu'elle est authentique comme Shah al-Bani et d'autres. C'est un hadith de Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار بلجام النار. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que celui à qui on pose une question, on lui pose une question sur un point bien précis, an ilmin, sur une science, alimaou, quelque chose qu'il sait, quelque chose dont il a science, bien sûr. Thumma katamaou, et ensuite il dissimule cette science-là, c'est-à-dire qu'il ne la dévoile pas à la personne à qui il lui a demandé, pour quelque raison que ce soit. Alors, quelle est ici la punition? Uljima yawm al-qiyamati bi lijamin min nari. C'est-à-dire qu'on va lui faire, on va lui insérer, on va lui faire rentrer à l'intérieur de sa bouche des brides, le jour du jugement, des brides qui sont de quoi? Qui sont de feu. Des brides qui sont de feu. Et la sagesse de cela, le fait que ce soit des brides et qu'elles soient mises à l'intérieur de la bouche, qu'elles soient rentrées à l'intérieur de la bouche, c'est parce que c'est de par cette science qu'il aurait dû dire, cette science qu'il aurait dû propager de par sa bouche, il ne l'a pas fait dans cette dunya-là. Alors le jour du jugement, fil akhira, il sera puni de telle sorte qu'il ne pourra même plus, il ne pourra même plus parler, et ce qui sera mis à l'intérieur de sa bouche pour avoir donc dissimulé cette science-là qu'il aurait dû dire de par sa bouche, il sera mis quoi? Lijamin min narin, c'est-à-dire des brides de feu. Wallah al-musta'an. Donc ce hadith qui est authentique est une ala wa'id shadid, c'est une grande menace faite à celui qui pourrait s'aventurer à dissimuler une science. Et donc bien sûr cette parole-là concerne chaque personne, que ce soit une science que tu connais toi, sans être bien sûr un savant, et que tu ne la donnes pas pour une raison que ce soit, il peut y avoir multitude de raisons, alors tu vas rentrer exactement dans la menace de ce hadith, sous la menace de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azawajal, pour montrer l'importance de cette perversité, pour montrer l'importance de cette perversion qui est donc cacher la science, il l'a rappelé plusieurs fois dans son livre, comme nous le cite le Cheikh. Il répète plusieurs fois et il réprimande, il blâme plusieurs fois cet acte-là, qui est un acte odieux. Wallah al-musta'an. Comme dans Surat al-Baqarah, le verset 174 et 175. Yaqul Allah Azza wa Jal, إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار والله المستعان. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit: ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne le purifiera pas. Il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter alors le feu? Allah musta'an. Donc ces gens-là, dont Allah azawajal nous cite dans ce verset-là, Wallah al-musta'an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc échangé, ils ont donc vendu des versets, ils ont donc vendu ce qu'Allah azawajal a fait descendre du livre. Et cela, bien sûr, en les cachant, en les dissimulant. Contre quoi? Contre la vie d'ici-bas, contre cette dunya, Wallah al-musta'an. Et Allah, en plus de ça, dans le verset, en plus du châtiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans le hadith et ce qu'on a vu dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla, en plus de ça, ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Tout cela, en fait, est le châtiment qui est réservé à ces gens. Que ce soit donc des gens du livre, ceux qui sont passés et ceux qui continuent et qui, bien sûr, persévèrent dans cet acte-là, ou que ce soit les savants de cette communauté. Car, bien sûr, lorsque la menace vient et lorsque cité dans le Coran à propos d'un genre de personnes, alors il englobe bien sûr tout le monde, que ce soit les gens du livre ou que ce soit les savants de cette communauté, s'ils prennent bien sûr le même chemin et s'ils font ce qu'ils ont fait. Également, يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس من بعد ما بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ça c'est aussi في سورة البقرة. Et c'est le verset 159. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Allah al-Musta'an. Et donc dans le troisième verset que le shir il cite, et qui est donc la traduction qu'on a donnée directement, Inna alladhina yashtaruna bi'ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ça c'est fait sur Ali Imran et c'est le verset 77. Ceux qui vendent avaient pris leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'ont aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Donc Allah Azzawajal nous répète encore ici dans ce verset là l'importance de cet acte et le degré de cet acte-là dans la mesure, bien sûr, du mal. Wallah al-musta'an. Et bien sûr, lorsqu'on dit Ahlul Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, il faut savoir que parmi les gens du livre, il y a ceux qui ont été justes, alhamdoulilah. Il y a eu les mauvais et ceux qui ont été justes. Et ceux qui ont été justes, comme il nous dit le shir et comme il nous le rappelle, c'est ceux, en fait, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont cru en lui. Ils ont cru en ce qui était descendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des gens qui n'ont pas, bien sûr, acheté par les versets d'Allah un vil prix. Et c'est ce que nous cite Allah Azzawajal, c'est ce que nous rapporte Allah, ce qui cite Allah Azzawajal de par sa parole dans son livre. وَيَقُولُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Et donc il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous, et en ce qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ce dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc ici Allah Azzawajal fait l'éloge d'une partie des gens du livre qui ont cru à Allah, qui ont cru à son messager lorsqu'il est venu, qui ont cru bien sûr au Coran, qui ont cru aux versets du Coran, et qui n'ont pas rejeté ces versets pour cette dunya, à titre de commerce. Wallah al-musta'an. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer dans son livre, et ceci fit surat al-Nisa, un verset que le shir en fait a choisi. Donc maintenant on passe à surat al-Nisa. Il va prendre certains versets, quelques versets de Surat An-Nisa, c'est-à-dire Surat les femmes. Il va les expliquer le shir et montrer en fait ce qu'il regorge, ce qu'il regroupe comme bonne annonce faite aux croyantes, et aux croyants et aux croyantes, et également qu'il met en garde de ceux qui pourraient aller à l'encontre de ces versets. Yaqul Allah Azza wa Jal, man ya'mal su'an yujza bih. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Ça c'est surat donc An-Nisa, c'est le verset 123 et 124. Allah Azza wa Jalla dit: من يعمل سوءا. Quiconque fait un mal, alors il sera rétribué pour cela. Et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. C'est le terme qu'ils ont traduit par naqira. On va revenir sur ce terme. Ici le shir يقول بين الله تعالى في هذه الآية أن العمل الذي ينفع صاحبه عند الله والذي يكون خالصا لوجهه ومطابقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذان شرطان لابد منهما في قبول العمل فإن قوله تعالى هو مؤمن يدل على الإخلاص وقوله ومن يعمل من الصالحات يدل على المتابعة. Dans un premier temps, dans ce verset-là, ou dans ces deux versets, 123 et 124, le shir fait une précision, ou nous donne une précision sur un point qui qui est essentiel et que l'on retrouve beaucoup dans le Coran, et que peut-être certains d'entre vous lisent et passent sur ces versets sans s'en rendre compte, ou sans se rendre compte en fait de ce qu'ils contiennent et ce qui est demandé ici dans ces versets. Il nous dit le Shir que à partir de ce verset, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre, pour que notre action soit acceptée, qu'il faut deux conditions. Qu'il faut deux conditions pour que l'acte soit accepté. Et bien sûr, l'acte, c'est bien sûr l'acte d'adoration, c'est-à-dire l'ibada, ce qu'on appelle l'ibada, l'acte d'adoration. Et comme tout le monde le sait, il faut deux conditions d'acceptation pour que cette adoration soit acceptée auprès d'Allah Azzawajal. Et ces deux conditions, elles sont citées dans ce verset-là, et elles sont citées dans beaucoup d'autres versets également, qui sont semblables de par leur sens à ce verset. Lorsque yaqul Allah Azzawajal, wa huwa mu'minun, kama fi hadhihi al-aya. Wa huwa mu'minun, cela en fait relate la première condition d'acceptation de l'action. Et c'est l'ikhlas. Wa huwa mu'min. Pourquoi ? Parce que là, la personne qui va faire un acte, et à ce moment-là, elle est considérée auprès d'Allah Azzawajal comme croyant. Donc, dans un premier temps, cette croyance-là est une croyance qui va être authentique. C'est-à-dire qu'il croit comme il se doit en Allah Azzawajal ou tous les autres piliers de la foi. Et également, yakun mukhlisan, yani, il est à ce moment-là loin de toute action qui pourrait se rapprocher du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme. Donc, il est mukhlis. Il a une pureté d'intention. Il a dans son cœur l'ikhlas au moment où il fait cette action-là. Donc, dans son droit-là, on dit que c'est un croyant. Wa huwa mu'min à ce moment-là. Allah Azzawajal le considérera comme un croyant. Et il ne peut considérer comme un croyant celui qui, à ce moment-là, va faire ce qui va à l'encontre de cette croyance et de cette ikhlas, c'est-à-dire de cette pure intention. Que ce soit par le grand associationnisme, la personne qui tombe dans le grand shirk, le shirk al-akbar, ou que ce soit le shirk al-asrar, le petit associationnisme, ou également ce qu'on cite comme étant l'associationnisme, un shirk al-khafi, l'associationnisme dissimulé, qui est al-riya, qui est bien sûr l'ostentation. Donc la personne qui fait une action et qu'à ce moment-là elle fait preuve d'ostentation, elle ne peut être considérée comme mu'min. Dans ce verset, on comprend que wa huwa mu'min, c'est une preuve de l'ikhlas, et donc une des conditions d'acceptation de cet acte-là. Et ensuite, la deuxième condition qui est citée au début du verset, au début du verset 124, وقول الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهذا يدل على المتابعة يدل على المتابعة ومن يعمل من الصالحات. Pourquoi ? Parce que la personne qui fait une action qui est considérée comme une action amalun salih, comme une action qui est vertueuse, qui est pieuse. Et c'est comme ici c'est traduit. Yani, et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, fait de bonnes œuvres. Ils ont traduit par de bonnes œuvres. As-salihat. As-salihat. Ici qui est bien sûr au féminin pluriel. Et donc, as-salih, al-amal as-salih, ou salihat, ne peut être que lorsqu'il est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le shir cite yadullu ala al-mutaba'a, wal-mutaba'a c'est le suivi, c'est-à-dire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes d'adoration, bimarna qu'il fasse exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc il suit sa sunna dans ces actes-là, et à ce moment-là cet acte-là sera nommé amalun salih, et il ne peut être nommé s'il est dans le cas contraire amalun salih, c'est évident, c'est-à-dire un acte qui serait non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, le contraire ici de la sunna et de al-mutaba'a, ça va être un acte qui sort de la législation, qui n'est pas en conformité avec la législation de façon générale. C'est pour ça qu'on dit ici al-mutaba'a, et on peut dire également al-muwafaqa. Certains traduisent le terme ou emploient le terme al-muwafaqa. Al-muwafaqa qui bien sûr vient du verbe wafaqa et qui veut dire l'accord. Et donc l'accord, être en accord avec la religion, être en accord avec la législation. c'est-à-dire suivre tout simplement la sunna du prophète. Pourquoi? Parce que chaque acte d'adoration qui est légiféré en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli et l'a établi. Donc suivre al-shara, suivre la législation, c'est bien suivre le prophète. Donc que l'on dise al-mutaba'a ou qu'on dise al-muwafaqa, c'est exactement pareil. Et ça se traduit ici dans ce verset par le terme as-salihat. On va le voir dans d'autres versets par al-amal as-salih, amalan salihan. Et tout ça, bien sûr, c'est exactement la même signification, la même définition. Donc ici, on voit que c'est la deuxième condition qui est citée. Et ceci dans beaucoup de versets du Coran, comme le Cheikh va nous citer. On va en citer plusieurs exemples. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Et ici, bien sûr, la justice de l'islam. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. La femme qui fait une bonne action sera rétribuée comme l'homme pourrait faire une bonne action. Exactement pareil, sans aucune différence. C'est pour ça que dans ce verset, il est précisé مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Donc la femme et l'homme, même niveau, exactement même niveau en islam. Pour récapituler, donc on dit que وَوَا مُؤْمِنْ, c'est la première condition. Et elle veut dire, ça veut dire l'ikhlas. Donc c'est la première condition d'acceptation de l'acte. Et donc de al-ibada, c'est-à-dire de l'adoration. Et la deuxième, minas salihat. Et ça, bien sûr, ça prouve al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'acte. Donc que ce soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, les deux conditions d'acceptation de l'acte, ou plus précisément de l'adoration. Parmi les versets qui nous citent le shir et qui vont exactement dans le même sens, le verset qui se trouve est surat al-kahf, la caverne, et qui est le verset 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. De même ici, on retrouve le terme عَمَلًا صَالِحًا, comme on l'a trouvé dans le verset précédent الصالحات. Et donc ici, c'est bien sûr الْمُتَابَعَةِ, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a, naam. Et ensuite, yaqulu Allah azza wa jalla, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ça ici, il cite la deuxième condition. Il cite la deuxième condition, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc qu'il ne fait pas acte d'associationnisme, de polythéisme, du shirk, qu'il soit akbar, qu'il soit asrar, qu'il soit khafi. Cela va en l'encontre total de Al-Ikhlas. Donc ici, la deuxième condition est encore citée dans ce verset-là. Un autre verset aussi qui nous cite un peu plus loin le Shir et qui rentre également, ça c'est bien sûr plusieurs exemples qu'on donne pour bien en fait donner cette précision-là et pour en fait qu'on mette l'accent sur ces deux conditions qui sont fondamentales. Pourquoi? Parce que l'homme, bien sûr, parce que maintenant toi tu veux faire une action, cette action-là tu veux qu'elle soit acceptée. Pourquoi te fatiguer à faire quelque chose dont tu sais d'avance qui ne sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jalla, et bien sûr donc qu'il n'y aura pas en sa conséquence de quoi de rétribution. Donc la personne, il faut qu'elle soit bien sûr intelligente par rapport à cela, et il faut qu'elle soit sincère également, c'est-à-dire qu'elle demande à Allah Azza wa Jalla tawfiq, qu'Allah Azza wa Jalla lui donne l'accord, et qu'elle s'empresse à apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement dans ses actes d'adoration, pour qu'elle ne tombe pas dans quoi? Dans l'innovation. Et qu'elle apprenne le tawhid, qu'elle se concentre sur l'apprentissage du tawhid, automatiquement, qu'est-ce qui va advenir? Elle va bien sûr purifier son intention, bien sûr si c'est une science qui a une influence directe sur son cœur. Et c'est bien sûr la science du tawhid, contrairement à ce que disent certains, que apprendre le tawhid ça casse les cœurs, Allah al-Musta'an. Donc de par ces deux choses, la personne va pouvoir en fait concrétiser cette adoration et ensuite donc avoir une rétribution qui est conforme à cela. Parmi donc les versets également qui nous a cité le Shir, le verset suivant et qui se trouve sur surat Taha, et c'est le verset 112. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Encore ici la citation des deux conditions, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, comme on l'a vu dans le verset précédent, wa mu'min, wa mu'min. Tayyib. Également dans l'autre verset, fi surat an-Nahl, et qui est le verset 97, yaqulu Allah azza wa jalla, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Donc, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Donc encore le terme ici, من عمل صالحا. On retrouve encore le terme صالحا. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن, c'est la deuxième condition. Et ensuite, le shir, il va mettre l'accent également sur ce qui est contraire à ces, donc, à ces deux conditions, ou ce qui vient en fait contrer ces deux conditions, ce qui vient opposer ces deux conditions. Et donc, la première condition, c'est, comme on a dit, l'ikhlas. L'ikhlas. Et ce qui nous prouve en fait que la personne qui fait une action sans être mukhlis, alors son action sera vaine. Et c'est le verset suivant. Qui se trouve dans Surat Al-Furqan, Surat Al-Furqan, qui est le verset 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc cette œuvre-là, qui ne sera pas en conformité avec ce qu'on a cité, alors automatiquement, elle sera quoi? Elle sera poussière éparpillée. Ça veut dire qu'elle ne vaudra rien du tout. Wallah al-Musta'an. Pour la personne qui n'a pas eu cet ikhlas demandé, l'ikhlas, là, cette pure intention, et pour la personne également qui n'a pas suivi la sunna du prophète et qui est tombée dans l'innovation. Pour ce qui est de l'innovation, et pour ce qui est donc le suivi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr le hadith que nous cite le cheikh et qui est connu de tous, inshallah, qui est un hadith muttafaqun alayhi. Il dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui accomplit une chose qui n'est pas conforme donc à notre religion, c'est-à-dire à notre religion, alors il sera quoi? Il sera rejeté. Menahdatha, celui qui fait donc une innovation, menahdatha, celui qui fait une chose nouvelle qui n'est pas connue pour être dans notre religion, dans la législation de l'islam, malaysa minhu, qui est donc étranger à cela, fawarad, c'est-à-dire mardoud. Quelque chose qui est également rejeté. Wallah al-Musta'an. Et dans le verset qu'on étudie, wala yuzlamuna naqira. Donc le terme ici naqira, le terme le cheikh nous a donné la définition. Donc il dit le cheikh wa naqir wa naqra allati takun fi dhahri nawati at-tamr. Donc en fait le noyau, donc lorsqu'on mange une date et qu'on récupère le noyau, on voit en fait que dans ce noyau, il y a en fait comme une sorte de rayure en fait, qui part des deux extrémités. Cette rayure-là, c'est ce qu'on appelle un naqir au niveau de la langue arabe. Et c'est une expression qui est employée au niveau des Arabes, lorsqu'ils veulent dire, ils parlent d'une chose qui ne vaut rien du tout, ils disent « La yusawi sharwa naqir »« La yusawi sharwa naqir »« La yusawi shi'an » Donc c'est une expression qui était employée déjà chez les Arabes, ce terme naqir, donc pour prouver que ça ne vaut rien du tout. Que ça ne vaut rien du tout. Cette chose-là ne vaut rien du tout, absolument rien. Donc dans le verset wala yuzlamuna naqira, c'est-à-dire comme le dit Yaqul Sheikh, ay la yanqus min hasanatihim, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, Allah Azza wa Jal ne diminuera rien des bonnes actions. Wala yuzad fi sayyatihim, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui sera augmenté par rapport aux mauvaises actions. Donc Allah Azza wa Jal jamais ne fera injustice à son serviteur, abadan. Ce fût donc de ce qu'on appelle ici le terme donc naqir, et qui veut tout simplement dire au niveau de la langue rien du tout. Donc Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice de manière absolue. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, il va nous citer où le cheikh va citer encore un verset qui nous prouve la justice en islam. Fayaqul Allah Azza wa Jal, et ça c'est le verset bien sûr toujours fi surat An-Nisa, et c'est le verset 135. Yaqul Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin aw al walidayn wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. Ô les croyants, observez strictement la justice. كونوا قوامين بالقسط, c'est-à-dire tout ce que vous accomplissez, faites-le suivant la justice. بالقسط. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Et soyez témoins, c'est-à-dire bien sûr véridiques. Ici le terme ça veut dire véridique. Comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et même et mères ou proches parents. Vos pères et mères ou proches parents. الوالدين والأقربين, tous ceux qui sont proches à toi. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. On va voir en fait l'explication. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Ne suivez donc pas les passions. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. Et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يقول الشيخ اشتملت هذه الآية على بيان كمال عدل شريعة الإسلام وأن المسلم علي أن يقول الحق ولو على نفسه. Donc il nous dit le shir que ce verset est une preuve. C'est une preuve. Et ça met en évidence Kamal Adli Shari'at al-Islam, la perfection que la justice parfaite de l'islam, de la religion musulmane, de la législation islamique, la justice parfaite de cette religion. Et le verset est clair dans cela. Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même, que ce soit contre toi. C'est-à-dire que si une parole maintenant, si on te demande de dire la vérité, que cette parole-là, cette vérité-là, va aller à l'encontre de ton intérêt, yani li jalbi maslaha ou daf'in madarra, que ça va à l'encontre de ton intérêt ou que cela te pose un préjudice, te fasse un préjudice, te fasse du tort, alors dis quand même la vérité. C'est ce que demande Allah Azzawajal dans ce verset-là. Et même si cela également touche, donc si ça touche toi-même et si cela également touche tes proches, et parmi bien sûr ceux qui sont le plus proches à toi, tes parents, ton père et ta mère. Ton père et ta mère, même si c'est dans le cas de ton père et de ta mère. Si demain ils ont affaire devant la justice et que toi tu es témoin et que tu sais des choses qu'il faut dire, alors tu devras le dire, même si c'est contre eux, même si ça va à l'encontre de leur intérêt. Et cela pour établir la justice qu'Allah Azza wa Jal nous a obligés d'établir et de faire. Et de concrétiser wal aqrabin, et que ce soit également des proches, que ce soit également des proches, donc de tout le monde, qu'ils soient loin de ton cœur ou qu'ils soient proches de ton cœur. La budda min al adl, c'est-à-dire il faut à tout prix que cela, il faut à tout prix donc justice et dans toutes choses, et même envers le kafir, même envers le mécréant, même par rapport au mécréant, Allah azza wa jalla dans ce verset-là nous demande la justice, nous demande de faire justice, comme yaqul le shir. Et le verset qui nous prouve cela, c'est-à-dire qu'il faut faire justice même par rapport à celui qui n'est pas musulman, même par rapport au mécréant, c'est le verset qui se trouve dans surat Al-Ma'ida, la table servie, c'est le verset numéro 2. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله أكبر. Même ce verset-là nous incite donc à la justice et à la justice même envers celui qui n'est pas musulman. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser, c'est-à-dire à dépasser les limites, à dépasser les limites de la justice et donc rentrer dans l'injustice. Donc ça, c'est également dans le cas du mécréant. Wa yaqul Allah azza wa jal, encore dans un autre verset. Donc le cheikh nous cite plusieurs versets pour nous prouver l'importance de la place de la justice en islam. Et c'est aussi également fi surat al-Ma'ida, c'est le verset numéro 8. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc également dans ce verset, Allah Azzawajal nous incite à quoi? Être juste et être équitable, des témoins équitables. Et que la haine d'un peuple, la haine que l'on peut avoir pour un peuple, ne nous incite pas à transgresser les lois, c'est-à-dire à ne pas être injuste envers eux. C'est ce que nous demande. Donc, ici c'est la pratique, une pratique de l'équité, une pratique de la justice, qui est totale. Subhanallah. C'est ce que nous incite le Coran, c'est ce que nous incite Allah Azzawajal à travers le Coran. Et également, il dit Allah Azzawajal, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. C'est surat al-An'am. C'est le verset 152. Donc regardez tous les versets qui vont dans ce sens. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable. Yani parlez avec justice. Même s'il s'agit d'un proche parent. C'est-à-dire que même si la parole que tu vas dire va aller à l'encontre de l'intérêt de cette personne-là, va causer du tort à cette personne-là, du moment où que c'est dans la vérité, alors n'aie crainte. Pourquoi? Parce que tu as rétabli la vérité, la justice, celle que Allah Azzawajal t'a ordonné de pratiquer et d'établir. Et dans le verset, lorsque Allah Azzawajal yaqul, wa in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Ici le shir, il nous dit, bien sûr, en rapportant la parole de Ibn Kathir dans ce verset, dans l'explication de ce verset, la tar'au li ghina'u wa la tashfiq alayhi li faqrihi wallahu yatawallahuma bal huwa awla bihima mink wa a'lam bima fihi salahuhuma aw salahahuma. Donc Ibn Kathir nous explique ce verset, il yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ne fais pas une faveur envers la personne qui est riche. Si maintenant la personne est riche devant toi, mais tu dois établir la justice, alors établis cette justice, même si ça va à l'encontre de cette personne qui est riche. Et donc, ne prends pas en compte sa richesse. Donc, ne lui fais pas faveur par rapport à sa richesse, et peut-être même en attendant une compensation. Wala tashfiq alayhi li faqri. C'est-à-dire également, si c'est une personne qui est pauvre, alors, c'est-à-dire avoir pitié. Wala tashfiq alayhi li faqri. C'est-à-dire, ne prends pas pitié de cette personne-là par rapport à l'établissement de la justice. Tu vois qu'elle est pauvre, bien sûr. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle est devant quelqu'un qui est pauvre, elle peut prendre pitié de cette personne-là, ce qui va l'induire à ne pas appliquer la justice dans le cas. Et ensuite, donc, c'est donc la marna, in yakun ghaniyan aw faqiran. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla yaqul, fallahu awla bihima. Fallahu awla bihima. Bimana yatawallahuma, bal huwa awla bihima mink. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il passe avant ces personnes-là. Lorsque toi tu établis la justice, tu établis donc l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe bien sûr avant ces deux personnes, que ce soit le riche ou que ce soit le pauvre. Bal wa awla bihima mink wa a'lamu bima fi salahahuma. C'est-à-dire c'est aussi qu'Allah azza wa jalla sait bien mieux que toi où est leur intérêt. Un intérêt qui va revenir bien sûr à ces deux personnes lorsque bien sûr la justice sera faite. Donc ça c'est le sens du verset yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Et ensuite yaqul Allah azza wa jalla fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. C'est-à-dire que al-hawa, qui est la passion, également al-asabiyya ou al-bourb, al-asabiyya al-bourb, c'est-à-dire également le tribalisme et également la haine que tu as envers les gens, que cela ne fasse pas que tu délaisses la justice. Donc tu dois à tout moment faire preuve de justice. Et ensuite, dans la suite du verset, wa in talwu aw tu'ribu qala mujahid wa ghayr wahid min as-salaf. Donc ça encore c'est la parole de Ibn Kathir. Talwu ay la tuharrifu ash-shahada wa la tughayyiruha wal layyu huwa at-tahrifu wa ta'ammud al-kadhib qala Allah wa inna minhum la fariqan yalwuna al-sinatahum bil kitab al-aya والإعراب وهو كتمان الشهادة وتركها قال الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Donc ici dans cette explication que nous donne Ibn Kathir du verset وإن تلو أو تعرضوا, Donc dans le premier, talwu bimana tuharrifu shahada, c'est-à-dire altérer quoi? Le témoignage. C'est-à-dire changer le témoignage, altérer le témoignage. Donc lorsqu'on te demande de témoigner, il faut que tu témoignes avec vérité et que tu dises la vérité par rapport à cette personne, qu'elle soit proche de toi, qu'elle soit loin de toi, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche. Ça, c'est ce que te demande Allah Azza wa Jalla à travers sa parole, subhanahu wa ta'ala. Donc, yaqul le shaykh, tuharrifu al-shahada wa tughayyiruha. Tu la changes et tu dis le contraire. Donc, pour en fait aller dans l'intérêt de la personne et donc aller à l'encontre de la justice et qui est en fait l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme donc si tu avais fait passer ces personnes-là avant Allah, avant le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous explique le shaykh, wa layyu wa tahrif wa ta'ammud al-kadhib. Donc, al-layyu qui vient en fait du verbe, bien sûr, ou qui est pris du verbe talwu, et qui est al-tahrif, qui est en fait l'altération, wa ta'ammud al-kadhib, qui est également le mensonge, mais le mensonge qui est dit volontairement. C'est pour ça que le chien ensuite nous cite des versets qui vont dans ce sens par rapport à l'application du terme employé. C'est aussi le terme que l'on avait vu qui était utilisé lorsqu'on avait parlé de la parole que disaient les juifs lorsqu'ils rencontraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient Ra'ina. Et Allah azza wa jalla dit dans son livre Layyan bi al-sinatim, Layyan bi al-sinatim wa ta'anan fi d-din. Donc également le terme ici, layyan, c'est-à-dire donc tahrif. Et donc il changeait bien sûr le sens premier du terme. Et il voulait dire par là, comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, il voulait dire une parole qui comprenait bien sûr l'insulte. Wallah al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.